Figurez-vous qu'il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec des camarades, avec tous mes camarades, pour aller à la cueillette des Edelweiss. J'ouvre mes persiennes, la pluie. Oh, décidément, alors... Vraiment, c'est vrai, la pluie, une méchante pluie. On a eu un été méchant, et ben on a eu un hiver méchant. C'est, tout est méchant, même les gens, ouais, tout, même le temps. Alors bon, je dis quand même, faut que j'aille à mon rendez-vous. Quelle toilette je vais prendre pour aller à la cueillette des Edelweiss? Je n'allais pas prendre un imperméable, ni un parapluie, je pourrais pas... Quelle horreur. Dis, tiens, je vais prendre une veste en tweed. Aurais-je l'air ridicule avec une veste en tweed? Non, pensais-je. J'arrive, fier comme bar tabac, avec des petits mocassins de chez Hermès, un petit col blanc chez Valizère, dentelle du puits à croquer, et ma veste. C'est vrai, parce que le tweed me sied. Non, c'est pas pour me vanter, pourquoi irais-je me vanter? Le tweed me sied. C'est vrai, je le dis tout simplement, surtout que c'est vrai. Alors bon. J'arrive là, tous mes camarades m'attendaient. Y avait Freddy, Claudin, Jackie, Zizi, Zaza, Zozo, y a des deux. Et je sais pas si vous connaissez Claudin. Oh, vous devez connaître Claudin. Il est gay, gay, gay. C'est vrai, un vrai bouc en train. Alors bon, il voit arriver, ni bonjour, ni bonsoir. Il me dit, moi, je suis folle. Regardez la Fernande. Elle a pris une veste en tweed. Quelle horreur! Pourquoi tu t'es déguisée? On n'est pourtant pas Mardi Gras. Je comprends son allusion, je ne réponds pas. Ça aurait fait une dispute, c'est vrai, j'ai horreur de me faire remarquer. Je ne réponds pas, je fais c'est lui qui n'avait pas compris. On parle de choses et d'autres, les derniers potins parisiens. On dit du mal de tout le monde. Patrick arrive avec sa brise-l'air. On va pour monter dedans. Claudin qui me redit devant tout le monde, enfin, quelle idée que t'as eu de prendre cette veste en tweed. Mais tu m'énerves à la fin. J'ai pris une veste en tweed parce que ça me plaisait, puis c'est tout, imbécile. Vive le tweed. Oh, pourquoi t'as... C'est pas à la mode. Si, c'est à la mode. Chez qui? Christian Dior. Quelle collection? Au mois de janvier. Je voudrais bien voir ça. Tu le verrais, c'est en première page. On se méfiait pas. Il y a un énergumène que je ne connaissais ni d'Ève ni des dents qui s'approche de moi par derrière. Ça, il m'a fait peur. Quand on connaît pas. L'air dit, oh! T'en as pas longtemps à nous fatiguer avec ton tweet, tu vas te casser, quoi, avec ton tweet? Commence pas à m'énerver toute la semaine, là. Ça va être votre fête tout à l'heure. La parole, je peux pas les blairer, moi, des mecs comme ça. Du tweet. Moi, t'en fous du tweet, moi, tout à l'heure. Ça va être ta fête. Ma parole, je prends 15 jours de repos, je vais ici, je tombe sur des michelons pareils. Je peux pas les blairer, ma parole, c'est pas ma faute, du tweet. T'as qu'à foutre des boucles d'oreilles aussi. Je suis parti tout de suite. Des boucles d'oreilles. Avec du tweed.